Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 24 aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos de notre boycottage à la conférence de l'ONU pour la négociation de l'accord de non-usage des armes nucléaires. Il a dit notamment « À la fin de mars et de la mi-juin au début de juillet de cette année, la conférence de l'ONU pour la négociation de l'accord de non-usage des armes nucléaires aura lieu au siège de l'ONU. Cette conférence reflète l'aspiration et le vœu de toute l'humanité pour l'abolition complète des armes nucléaires. Mais les États-Unis et les pays détenteurs nucléaires reconnus ont boycotté leur participation, ce qui soulève le doute que le prochain rendez-vous peut aboutir à un résultat digne de répondre à la demande de toute l'humanité. Surtout, notre pays, pour qui le renforcement du potentiel militaire autodéfensif autour des armements nucléaires s'impose comme une demande vitale et immédiate face aux manœuvres militaires conjointes livrées par les États-Unis dans la péninsule coréenne à l'aide des biens stratégiques sans précédent dans l'histoire, est obligé de prendre en considération la participation à la conférence en question. Et après de mûres réflexions, il a décidé de ne pas y participer. Mais nous soutiendrons toujours l'idée du mouvement de non-alignement pour l'abolition complète des armes nucléaires et les efforts du monde, et nous nous acquitterons de la responsabilité en tant que pays détenteur nucléaire jusqu'à la dénucléarisation du monde entier.